Donc, je pensais commencer par quelques mots sur les politiques actuelles concernant l'allaitement et les spécificités de la situation suisse, qui est peut-être légèrement différente du contexte français, je pense. Et ensuite, donc, je vous parlerai de mon questionnement et de ma recherche de terrain en général. Et dans un troisième temps, je vais recentrer vraiment sur la question spécifique des temporalités et des routines autour de l'allaitement. Donc en Suisse, comme dans le reste des pays d'Europe, le contexte périnatal est clairement dominé par un message vraiment fort de promotion de l'allaitement maternel. Donc les organismes de santé publique et les experts en nutrition et santé infantile s'accordent clairement à reconnaître l'allaitement comme le meilleur choix pour l'alimentation des enfants. Et la promotion de l'allaitement constitue une préoccupation assez importante de santé publique. Donc, je pense notamment à l'OMS qui, depuis une trentaine d'années, enchaîne les initiatives pour encourager et promouvoir l'allaitement maternel. Donc, d'après la dernière enquête de 2014 de l'Institut Tropica et de Santé publique suisse, donc maintenant on a un taux d'initiation à l'allaitement en Suisse qui est extrêmement élevé, 95% d'initiation à l'allaitement. D'initiation. Oui, d'initiation. Donc ça veut dire 95% des mères à la naissance ont l'intention d'essayer d'allaiter en tout cas. 95% des bébés qui naissent en Suisse ont du lait maternel a priori à la naissance. Après, il faut voir si ça dure ou pas. Mais toujours d'après cette enquête, plus de 50% des bébés sont encore allaités exclusivement à 12 semaines de vie au moins. Donc ça veut dire que jusqu'à 12 semaines au moins, ils ne reçoivent rien d'autre à manger ou à boire que du lait maternel. Et la durée totale d'allaitement médiane s'élèverait à 31 semaines, donc c'est aussi assez élevé. Pour la plupart des mères, on peut aussi noter que ça excède clairement la durée du congé maternité. Et là justement, cette semaine, j'ai vu que l'étude ELF, donc je pense que vous voyez toutes de quoi il s'agit, c'est une étude longitudinale française. Oui. Les Français allaitent moins d'ailleurs. Voilà, oui. Et puis les résultats concernant la durée de l'allaitement sont parus cette semaine, donc j'ai vu ça. Donc juste à titre de comparaison, d'après cette étude, ces résultats qui viennent de paraître, en France, on serait à 70% d'initiation à l'allaitement. Une durée moyenne d'allaitement exclusive de 7 semaines et une durée totale d'allaitement médiane de 17 semaines. Donc autant pour la durée de l'allaitement exclusif que pour la durée de l'allaitement total, ça serait moitié moins longtemps que les chiffres qu'on a en Suisse a priori. Donc en Suisse, avec ces chiffres-là, on est encore très loin des recommandations de l'OMS qui recommande actuellement donc l'allaitement exclusif sans autre apport en nourriture et boisson jusqu'à 6 mois de vie de l'enfant et la continuation de l'allaitement complémenté par d'autres apports alimentaires et liquides jusqu'à 2 ans et plus. Donc d'après les chiffres que je viens de vous donner, si les mères allaitent en moyenne 31 semaines, ça suppose que la reprise du travail ne marque pas forcément l'arrêt de l'allaitement. Ce qui peut aussi être mis en lien avec des mesures encourageantes en Suisse au niveau du cadre légal. Donc depuis l'année dernière, les pauses allaitement sont rémunérées. Et on fait concrètement ces pauses allaitement sont le plus souvent des pauses tire-lait, puisque ça reste très rare d'avoir une crèche d'entreprise. Et la loi compte 60 minutes de pause allaitement rémunérées pour une journée de 8 heures de travail jusqu'à une année de vie de l'enfant. Donc c'est quand même une mesure assez encourageante. Donc dans le cadre d'un accouchement à la maternité, pendant le séjour postpartum, les mères se plaignent souvent d'un manque de soutien relativement à l'initiation à l'allaitement et d'une confusion face au nombre de discours et d'intervenants auxquels elles sont soumises pendant leur bref séjour. Donc selon une étude suisse de 2003 sur le sujet qui avait été menée, je crois, à l'hôpital universitaire de Genève, pendant un séjour postpartum de 3-4 jours, en gros, les mères auraient affaire à, en moyenne, 10 sages-femmes, 10 intervenantes différentes. Donc on peut supposer qu'à la sortie de la maternité, elles ont quand même eu beaucoup de discours qui varient toujours légèrement et que ça peut amener pas mal de confusion. Des pratiques qui nuisent à l'instauration de l'allaitement sont encore maintenues dans beaucoup de maternités, comme par exemple la séparation précoce mère-enfant après la naissance ou l'introduction de lait artificiel biberon ou tétine dans les premiers jours de vie. Donc, ce qui induit ce qu'on appelle un risque de confusion synthétine. Je ne sais pas si vous êtes familière de cette expression. C'est-à-dire que quand un bébé est au sein, le travail de succion pour déclencher le réflexe d'éjection du lait et pour pouvoir manger demande plus d'efforts qu'avec un biberon où ça a tendance à couler beaucoup plus facilement et directement. Donc c'est pour ça qu'on conseille de ne pas introduire des substituts au mamelon maternel dans les premières semaines de vie. Donc par rapport à tout ça, on peut relever que les recommandations émises par les organismes de santé publique ont de la peine à se retrouver, à descendre en fait dans les pratiques des professionnels. Donc ça a tendance à rester un discours surplombant. Donc en théorie, oui, on promeut l'allaitement maternel, on reconnaît que c'est vraiment le meilleur choix pour l'alimentation et la santé des bébés. Mais d'une maternité à l'autre, ces recommandations vont être plus ou moins respectées. Donc, par exemple, certaines maternités détiennent le label Hôpital Ami des Bébés. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est un label qui découle de l'initiative Hôpital Ami des Bébés, qui a été élaborée par l'OMS et l'UNICEF en 92, implanté en Suisse en 93. Et donc, le label est attribué aux maternités qui respectent les 10 conditions pour le succès de l'allaitement maternel édictées par l'initiative. Donc, en Suisse, le succès du label est relativement mitigé. Seulement 31 maternités pour toute la Suisse ont actuellement le label et seulement 4 en Suisse romande. Donc déjà, à la maternité, s'il y a des problèmes d'allaitement, que ça ne fonctionne pas tout de suite aussi bien qu'on souhaiterait ou que la prise de poids de l'enfant laisse à désirer, les soignants vont quand même, en général, très rapidement proposer de compléter avec du lait artificiel plutôt que de persévérer avec l'allaitement. Ensuite, au-delà du séjour à la maternité, sur le long terme, les enfants vont être suivis par un pédiatre qui, le plus souvent, ne va pas particulièrement encourager la continuation de l'allaitement au-delà des premiers mois de vie, mais au contraire, plutôt l'introduction précoce de l'alimentation solide. Donc, je voulais montrer qu'il y a vraiment un décalage important de la recommandation officielle des organismes de santé publique et ce qu'on retrouve dans les pratiques des professionnels de la naissance qui sont en contact direct et quotidien avec les mères qui allaitent. Donc, après le séjour à la maternité, un suivi postpartum à domicile est assuré de manière systématique par une sage-femme indépendante selon une répartition géographique. En général, c'est la maternité qui se charge directement de contacter la sage-femme indépendante. Et même si les sages-femmes offrent un suivi global et non spécifiquement focalisé sur l'allaitement, dans les situations où la mère a décidé qu'elle souhaitait allaiter, l'allaitement occupe une place vraiment centrale dans ses visites et dans les discussions avec la sage-femme. Donc je ne sais pas si en France, vous avez aussi ce suivi postpartum à domicile avec une sage-femme indépendante. D'accord. Et il est sur demande. Ah, c'est sur demande. Ouais, c'est pas une obligation. Ouais. Enfin, c'est pas systématique. En Suisse, c'est systématique et c'est rare. En fait. Il y a certaines femmes peut-être qui le refusent, mais c'est très rare. Et ça, on va vraiment, d'accord. Ça ne va pas forcément être très bien perçu si elle le refuse. Il faut plutôt argumenter. Oui, c'est vraiment impressionnant. Donc, ces visites sont remboursées par l'assurance maladie de base jusqu'à 10 jours postpartum. Mais en pratique, il y a souvent des arrangements différents, c'est-à-dire que les sages-femmes ne viennent pas tous les jours, mais selon les besoins des mères. Et elles vont étaler leurs visites souvent sur une plus longue période. Donc, les mères peuvent ensuite bénéficier encore de 3 consultations spécifiquement dédiées à l'allaitement avec une sage-femme ou une consultante en lactation, qui vont aussi être remboursées par l'assurance maladie de base. Donc là, je vous ai décrit vraiment la situation classique, avec un suivi de grossesse généralement assuré par un gynécologue, ensuite un accouchement à la maternité, et un suivi postpartum avec une sage-femme indépendante qui vient à domicile. Donc à côté de ça, il y a d'autres mères qui choisissent d'être suivies pendant la grossesse par une sage-femme indépendante, qui va aussi assurer leur accouchement, donc c'est des accouchements qui se déroulent à domicile ou en maison de naissance, et qui vont aussi être là pour le suivi postpartum. Donc dans ces situations, les mères auront une personne de référence qui assure vraiment le suivi de l'ensemble du processus de la naissance. Et c'est ce qu'on appelle un accompagnement global. Donc dans le cadre de ma recherche de terrain, j'ai choisi de me focaliser spécifiquement sur ces accompagnements globaux et j'accompagne en fait les sages-femmes indépendantes dans leur visite postpartum à domicile. Donc je vais revenir plus en détail sur mon terrain après vous avoir un peu parlé de mon questionnement et de ma problématique. Donc assez, pour le dire très largement, ma recherche est centrée sur les pratiques et expériences d'allaitement des familles et des mères en Suisse romande, initiées dans le cadre d'un accompagnement global avec une sage-femme indépendante. Donc j'utilise la notion de temporalité comme fil conducteur dans mon questionnement, que ce soit au niveau des modalités de l'initiation à l'allaitement ou de son déroulement à plus long terme, donc c'est-à-dire comment les mères allaitent, à quelle fréquence, pendant combien de temps, sur base de quels critères elles décident que c'est le moment d'allaiter. Donc je m'intéresse à cet aspect-là des temporalités, mais aussi à la durée totale de l'allaitement. Donc j'ai pu me rendre compte sur mon terrain qu'au-delà de la question des recommandations concernant la durée optimale d'un allaitement, la notion de temporalité en général a l'air assez importante dans les préoccupations entourant l'allaitement, autant du côté des mères que des professionnels. Donc de son initiation jusqu'au moment du sevrage, l'allaitement est encadré par différentes normes temporelles qui définissent ses modalités, mais vont aussi être autant d'outils d'évaluation de sa réussite. Donc ces normes qui sont émises par les organismes de santé publique et les experts en lactation et nutrition infantile sont censées fournir des repères temporels pour optimiser l'allaitement. Mais on remarque qu'il s'agit aussi de normes culturellement construites qui ne vont pas toujours trouver une justification dans un raisonnement scientifique ou médical. Donc ces normes vont aussi circonscrire la fenêtre dans laquelle c'est autorisé et valorisé socialement d'allaiter. Donc par exemple, si c'est fortement encouragé d'allaiter un nourrisson, continuer d'allaiter un enfant plus âgé est souvent perçu comme inapproprié. La notion d'allaitement à la demande constitue un autre exemple intéressant de ces décalages entre recommandations médicales, pratiques effectives et normes sociales. Donc malgré un consensus du milieu médical qui reconnaît clairement la supériorité de l'allaitement à la demande par rapport à un allaitement structuré autour donc d'un horaire préétabli, dans leur pratique, on remarque que les professionnels restent quand même souvent attachés à des critères temporels et quantitatifs pour évaluer le bon déroulement d'un allaitement, c'est-à-dire les horaires des tétés, la fréquence des tétés, la durée, la prise de poids du bébé. Donc ces normes temporelles et ces critères correspondent à une approche quantitative de l'allaitement au détriment d'une approche qualitative, et ça aussi pour effet de disqualifier le savoir subjectif des mères issues de leur expérience singulière et de leur connaissance spécifique de leur bébé. En pratique, j'ai pu observer que l'allaitement à la demande induit une réorganisation temporelle autour des tétés du bébé, ce qui est souvent assez mal vécu par les mères. Donc même si elles adhèrent d'un point de vue théorique à cet idéal d'allaitement à la demande, il est souvent assez difficile d'accepter une espèce de chaos temporel que cet allaitement à la demande va induire. Donc les premières semaines, voire les premiers mois, les demandes très rapprochées du bébé laissent souvent aux mères le sentiment assez dérangeant de ne faire que ça. Donc l'allaitement, surtout les premiers temps, s'inscrit de cette manière-là dans une temporalité extraordinaire, en rupture avec l'organisation du temps linéaire qui domine nos sociétés industrialisées, qui sont plutôt fondées sur une idéologie visant l'efficacité et la performance. Donc quand tout d'un coup, on se retrouve avec un bébé qui demande sans cesse à être au sein, ça peut être vraiment très déstabilisant et en rupture totale avec l'organisation du temps, la manière de gérer ces horaires qu'on avait connus jusque-là. Donc les auteurs Patricia, Maren, Daly et Gavin Andrews utilise la notion de liminalité de l'anthropologue Van Gennep pour décrire l'expérience de l'allaitement comme un espèce d'état de transition qui s'inscrit dans la continuité de la grossesse. Donc dans cette perspective, la fin de l'allaitement, ça correspondrait au recouvrement de la vie ordinaire, à la réintégration dans la temporalité ordinaire. Quelle est la notion ? Liminalité. Donc ces deux auteurs ont repris en fait une notion de Van Gennep qu'il utilise dans le cadre de sa théorie concernant les rites de passage. Donc il définit trois étapes, un rite de passage, séparation par rapport au groupe, état de liminalité et réintégration, incorporation, donc on retrouve un nouveau statut. Mais Par rapport à cet éclairage-là, l'allaitement continue quand même souvent au-delà de quelques mois. Et pour certaines femmes, l'allaitement se poursuit même parfois plusieurs années quand elles choisissent d'allaiter leur enfant donc jusqu'à ce qu'il se sèvre de lui-même, sans poser a priori aucune limite temporelle à leur allaitement. Donc pour ces femmes qui sont dans cette démarche-là, elles ne savent pas combien de temps l'allaitement va durer et forcément l'allaitement de leur enfant va vraiment Enfin, c'est quelque chose qu'elles vont devoir intégrer à leur vie, à leur quotidien, pendant une très longue durée. Donc on peut se demander quelle organisation temporelle va s'instaurer pour elles et comment elles trouvent un équilibre entre cet allaitement qu'elles ont parfois de la peine à canaliser et qui s'étend, et la vie ordinaire qui continue à côté. Donc de manière générale, la question des temporalités m'est apparue vraiment centrale pour penser l'allaitement du point de vue des mères et des familles. Les pratiques et expériences d'allaitement sont vraiment très influencées par la perspective de la reprise du travail, par exemple, et par la durée du congé maternité. Donc la fréquence des tétés est aussi perçue en lien avec ces perspectives. Donc, par exemple, une mère dont le bébé de 3 mois a des demandes très très rapprochées ne va pas envisager les choses de la même manière si elle recommence à travailler un mois plus tard ou si elle ne doit pas reprendre le travail. C'est combien de congés maternité en Suisse ? Je ne me rappelle plus du nombre de semaines, mais ça correspond plus ou moins aux 4 mois pour le bébé. Et dans le canton de Vaud, il y a un mois supplémentaire pour les mères qui allaitent. Et c'est combien le taux d'activité féminine ? Ça, je n'ai pas de chiffre, je ne sais pas. Je sais qu'en Suisse, il y a un taux de travail à temps partiel pour les femmes qui est assez important. Oui, c'est pour ça que je demande. Ouais. Je sais que c'est une spécificité... par rapport au travail féminin en Suisse, mais j'ai aucun chiffre en tête par rapport au taux d'occupation. Donc d'une part, il y a la question de la reprise du travail, mais les horaires de travail et le taux d'occupation professionnel du partenaire va également jouer un rôle important, tout comme les rythmes des autres enfants quand il y en a, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres enfants qui sont scolarisés ou non, et même s'ils ne sont pas scolarisés, le rythme des autres enfants, leurs horaires de réveil, de sommeil, va aussi être quelque chose dont les mères qui allaitent tiennent compte et qui va faire que cet allaitement, que l'allaitement à la demande de leur nouveau-né va être plus ou moins bien toléré, plus ou moins facile à intégrer dans leur quotidien. Mais même dans le cas où la question de la reprise du travail ne se pose pas directement pour la mère, la temporalité donc ordinaire, celle du travail ou du quotidien, peuvent rester aussi fortement internalisées à travers le rythme des autres membres de la famille. Donc on voit que les mères sont prises dans des logiques temporelles différentes qui s'opposent et peuvent potentiellement entrer en conflit. Donc parallèlement à cette notion de temporalité, il y a quelques thématiques plus transversales auxquelles je suis aussi particulièrement attentive dans ma recherche. Donc, d'abord, il y a la question du sentiment de compétence des mères, qui est souvent liée à la manière dont on va évaluer le succès de l'allaitement, donc en lien direct avec l'accompagnement des professionnels. Donc les mères sont soumises à beaucoup de discours et de recommandations contradictoires, elles sont confrontées à des cultures professionnelles différentes, des gens de sage-femme hospitalière, sage-femme indépendante, infirmière puéricultrice, pédiatre. Et tout ça va avoir une influence sur le sentiment de compétence qu'elles peuvent avoir par rapport à l'allaitement. Donc un deuxième point qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui concerne les représentations autour du bébé dans l'allaitement. Donc est-ce qu'on voit le bébé comme un bénéficiaire passif de l'allaitement ou comme un acteur social à part entière ? Et dans ce cas, l'allaitement serait plutôt perçu comme un processus relationnel entre la mère et l'enfant, et non comme un transfert de lait de la mère à l'enfant, comme c'est souvent le cas, en tout cas dans les discours un peu surplombants, on s'intéresse surtout à la question de la prise de poids. Enfin, c'est souvent de cette manière-là que l'allaitement est évalué. Donc il y a vraiment cette idée du lait qui est transféré, quelque chose qui va à sens unique. De manière assez générale, dans la littérature socio-anthropologique, les bébés apparaissent généralement pas comme des acteurs. L'intérêt pour les bébés en tant que sujet d'étude est assez récent. L'observation des bébés constitue en soi un certain défi méthodologique. C'est assez difficile de s'intéresser à des sujets qui ne parlent pas encore et dont les gestes sont souvent assez limités. Mais c'est aussi très intéressant, je trouve, d'observer ce qu'on projette sur les bébés, donc les attentes qu'on a par rapport au comportement des bébés, les intentionnalités qu'on leur attribue, la personnalité qu'on donne aux bébés, déjà vraiment dans les premiers temps de leur vie. Et par rapport à ça, j'utilise aussi la notion d'intercorporéité qui est proposée par Deborah Lupton pour analyser ce qui se joue entre la mère et l'enfant dans l'allaitement. Et donc je suis particulièrement attentive à tout ce qui se passe au niveau de la communication non verbale autour de l'allaitement. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'intégrer à ma recherche. Et un troisième point, c'est la question de l'allaitement au long cours. Donc je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc l'idée d'allaiter jusqu'à ce que l'enfant se sevre de lui-même ou d'aller jusqu'à ce qu'on appelle un sevrage naturel. Donc c'est une approche qui est aussi en lien avec une certaine idéologie, une certaine manière d'envisager la parentalité. Donc on parle souvent d'attachment parenting ou maternage proximal en français, ou encore de maternité dite naturelle pour englober cette approche. Donc même si le choix d'un accompagnement global et d'un accouchement à domicile implique évidemment pas nécessairement un allaitement long, on retrouve quand même parmi cette population spécifique davantage de mères qui optent pour cette pratique que parmi la population générale, parce que ça reste quand même très marginal de décider d'allaiter donc jusqu'à ce que l'enfant se sève de lui-même. Jusqu'à quel âge ? Voilà, ça dépend de chaque enfant. J'ai l'impression, en tout cas d'après ce que j'ai pu observer sur mon terrain, que donc cet âge du sevrage dit naturel, ça se situe souvent vers 2 ans et demi, 3 ans. Mais pour certains enfants, ça peut être plus long ou ça peut être plus court. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est surtout la démarche. En fait. Après, il y a aussi des mères qui sont partantes pour ça, et puis l'enfant n'a plus du tout envie de téter à une année. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le projet. C'est de se dire, je commence à allaiter et j'ai aucune idée quand ça va s'arrêter. Bon. J'allaite jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie du tout. Donc c'est quand même un projet qui est intéressant et qui tranche complètement avec les trajectoires classiques d'allaitement qui durent quelques mois et qui sont vraiment associées à un bébé, à la période du postpartum. C'est ça que je trouve intéressant. Donc les sages-femmes qui collaborent avec moi ne prônent pas spécialement l'allaitement long, mais c'est clair que ce type d'allaitement et les valeurs qui y sont associées s'inscrivent quand même particulièrement bien dans le type de suivi qu'elles proposent. Donc justement, je vais vous parler plus en détail de ce que c'est ce type de suivi propre aux sages-femmes indépendantes. Donc j'ai commencé ma recherche de terrain il y a un an et demi. Et maintenant, je travaille avec une petite dizaine de sages-femmes indépendantes qui exercent dans le canton de Vaud, en Suisse romande. Donc ces sages-femmes ont en commun de pratiquer donc, des accompagnements de la naissance dits globaux qui comprennent l'ensemble du processus de la grossesse au postpartum, accouchement compris. Donc je précise que ces prestations s'adressent évidemment aux femmes qui vivent une grossesse physiologique et ne sont pas destinées aux grossesses labellisées comme à risque. Donc, en Suisse, les accouchements qui rentrent dans cette démarche ont généralement lieu à domicile ou en maison de naissance. Mais certaines maternités vont aussi accueillir les sages-femmes indépendantes et leurs clientes. C'est quoi une maison de naissance ? Une maison de naissance, c'est... Donc, en Suisse, c'est quelque chose qui est implanté depuis quand même pas mal de temps. Je ne saurais pas dire, je pense que ça commence en Suisse allemande. Je ne saurais pas dire quand a ouvert la première maison de naissance. Je sais qu'en France, ça n'existe pas encore, mais ça devrait être pour bientôt. Je crois que c'est l'équivalent des PMI, mais sauf qu'en France, c'est réservé aux classes populaires. J'ai encore lu récemment que les premières maisons de naissance devraient ouvrir en 2016. Je pense que c'est... Oui. Donc en fait, une maison de naissance, c'est un lieu de naissance géré par une ou plusieurs sages-femmes indépendantes. Donc concrètement, un accouchement en maison de naissance par rapport à un accouchement à domicile, c'est la même chose, parce qu'on ne trouve rien de plus dans une maison de naissance qu'à domicile. Donc c'est plutôt destiné aux femmes qui ne se sentent pas à l'aise pour accoucher chez elles, soit parce que leur logement ne leur paraît pas adéquat, ou qu'elle s'est mal isolée, ou, enfin, il y a différentes raisons qui font qu'elles peuvent ne pas se sentir à l'aise, ou aussi parfois certaines femmes ont besoin d'aller quand même dans un endroit extraordinaire pour accoucher et n'ont pas envie d'associer ça avec leur lieu de vie. Donc c'est aussi des fois cette démarche-là. Après, en maison de naissance, on trouve du matériel comme une baignoire d'accouchement, des fois des tabourets d'accouchement, des ballons pour se détendre le dos pendant le travail, des cordes pour se suspendre. Ça peut aussi aider. Il y a une minorité de femmes qui accouchent dans ces endroits. Oui, oui, oui. Donc, c'est difficile d'avoir des statistiques précises là-dessus, mais il me semble que les derniers chiffres datent de 2007 et que c'était quelque chose comme 2% de la population. D'accord. Donc oui, c'est une minorité. C'est les classes supérieures qui y vont ou... Non. Non, c'est très ouvert. Du public que ça attire, oui, c'est très variable, je pense. D'accord. Parce que souvent on dit que l'allaitement, ouais, c'est une pratique qui est... Enfin, en France en tout cas, c'est plutôt les classes supérieures qui ont, tendance à... Donc du coup, je m'interrogeais sur ces méthodes alternatives d'accouchement, si c'était les classes supérieures aussi qui y recouraient. Non, pas spécialement. D'accord. Dans mon échantillon, enfin, en tout cas dans le groupe que moi j'ai suivi, on retrouve quand même des femmes qui exercent des activités très variées, qui viennent de milieux très variés. D'accord. Donc, moi, j'ai pas vraiment cette impression-là. Ok. Après, c'est vrai qu'en général, la durée de l'allaitement est aussi liée au statut économique des parents. Oui, au niveau de formation. Et quand les femmes qui ont un niveau de formation plus élevé ont en général tendance à allaiter plus longtemps. Ça reviendra dans les questions de toute façon, ça. Peut-être pour l'enregistrement, si on fait interrompre, ça va être je le dis pour moi aussi. Bon, donc je poursuis. Donc, donc par rapport à cette idée être suivie par une sage-femme indépendante et d'avoir un accompagnement global, il y a certaines femmes qui optent pour un suivi prénatal et postpartum avec une sage-femme indépendante, mais qui préfèrent accoucher à la maternité. Donc pour moi, ça s'inscrit quand même dans une démarche d'accompagnement global, parce qu'elles ont été suivies pour toutes les consultations de grossesse par une sage-femme qui a aussi assuré les co-préparations à la naissance. Elles vont accoucher à la maternité, parfois même en ambulatoire, donc elles repartent au bout de quelques heures. Et ensuite, leur sage-femme les récupère directement à la sortie. Donc pour moi, ça s'inscrit aussi dans la même démarche, même si le lieu de l'accouchement, c'est l'hôpital. Donc les sages-femmes que j'accompagne travaillent pour certaines en collaboration étroite, par exemple dans le cas du partage d'un cabinet. D'autres se connaissent seulement de vue, se sont croisées à certaines assemblées. Mais toutes se rejoignent autour de valeurs communes, c'est-à-dire la défense d'une approche physiologique et non interventionniste de la naissance. Donc dans leur accompagnement postpartum, elles ont tendance à défendre une approche centrée sur les besoins de l'enfant, ou en tout cas sur ce qu'on estime être les besoins de l'enfant, et elles promeuvent l'allaitement à la demande. Elles encouragent aussi d'autres pratiques de parentage qui s'inscrivent plutôt dans le courant idéologique du parentage proximal, et donc qui favorisent le rapprochement entre le bébé et ses parents, comme par exemple le portage ou le sommeil partagé, parfois appelé cododo. Donc c'est le fait de partager le lit parental avec son enfant. Donc ces pratiques sont également pensées et proposées par les sages-femmes comme des mesures qui facilitent l'allaitement. Donc concrètement, pour moi, en fait, après la naissance, une fois que tout le monde est d'accord sur le principe que j'assiste au suivi postpartum, donc la sage-femme ou les parents me contactent et me proposent de me joindre à la prochaine visite de la sage-femme. C'est-à-dire que donc... en général, pour l'accouchement, les sages-femmes sont mobilisées pendant une longue période. Ça peut parfois être peut-être 10 heures. Donc, voilà. Donc en général, après la naissance, une fois qu'elles voient que tout va bien, elles rentrent chez elles se reposer et elles planifient de revenir quelques heures plus tard. Et donc moi, j'assiste quand c'est possible à cette visite-là, donc peu de temps après la naissance, mais je ne suis pas présente à l'accouchement. Donc c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi, mais pour l'instant, ça ne s'est pas vraiment présenté. Mais j'aimerais bien aussi pouvoir voir ce qui se joue autour de la première tétée, sur l'initiative de qui ça se fait, comment ça se met en place. Donc dans l'idéal, c'est vrai que ça serait bien pour moi de pouvoir commencer à ce moment-là, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait. Donc les visites de la sage-femme durent, je dirais, en moyenne 2 heures. Donc par rapport à un postpartum à la maternité, donc les parents sont seuls avec leur bébé, et quand la sage-femme est là, en général, elle reste quand même un bon moment. Et elle est aussi complètement focalisée sur eux, parce qu'elle n'a pas d'autres patients à gérer en parallèle. Donc l'essentiel de ma recherche se situe plutôt au domicile des familles. Mais dans le cas d'un bébé né en maison de naissance, ça arrive aussi que les parents restent quelques nuits dans la maison de naissance. Donc à ce moment-là, quand c'est possible, je vais les voir à la maison de naissance. Donc le matériel dont je dispose est assez variable en fonction des situations. C'est-à-dire que dans une situation idéale, quand il y a aussi un accès facile, que le domicile des parents n'est pas trop loin de là où je vis, et que ça se met bien, que je n'ai pas d'autres obligations, des fois j'arrive à assister à 5-6 visites postpartum, donc je peux vraiment avoir un suivi très rapproché. Et d'autres fois j'ai moins de chance, donc peut-être que je serai seulement là à 2 ou 3 visites. Par rapport aux familles que je rencontre, donc certaines accueillaient leur premier bébé, donc une toute première expérience d'allaitement, alors que d'autres avaient déjà allaité un premier enfant ou plusieurs enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement chaque allaitement est vraiment vécu différemment, et même dans le cas des mères qui ont une première expérience d'allaitement, le nouvel allaitement qui débute peut aussi les confronter à des difficultés complètement inédites. Donc même quand un premier allaitement s'est très bien déroulé et que les mères ont l'impression d'avoir une certaine expérience, qu'elles envisagent sereinement ce deuxième allaitement, il peut aussi y avoir des circonstances très différentes qui font qu'elles ont quand même qu'elles ont vraiment besoin de l'accompagnement de la sage-femme, et qu'il y a des discussions assez intenses par rapport à l'allaitement. Donc en complément de l'observation participante que je pratique pendant les visites postpartum de la sage-femme, j'effectue aussi des entretiens plus approfondis avec les mères ou les parents qui me permettent de retracer leur trajectoire d'allaitement et de saisir l'évolution des pratiques et des ressentis sur le plus long terme. Donc quand je les revois, donc en général peut-être un mois après la dernière visite postpartum de la sage-femme, et après un intervalle régulier, tous les 2-3 mois, jusqu'à la fin de l'allaitement. Donc à ce moment-là, l'allaitement s'est bien installé, un certain rythme s'est mis en place, on est entré dans une phase de routine de l'allaitement, et il y a d'autres thèmes qui peuvent aussi émerger. Donc quand je parle de routine de l'allaitement, c'est autant par rapport à la gestion de lactation en elle-même. Donc souvent les mères, même plusieurs mois après avoir commencé l'allaitement, vont continuer de boire des tisanes galactogènes ou de favoriser certains aliments, écarter d'autres aliments. Des fois la gestion de lactation implique aussi un certain matériel, par exemple des compresses absorbantes dans le soutien-gorge ou des soins spécifiques à apporter au mamelon qui reste sensible. Une attention particulière par rapport aux vêtements qui ne sont pas forcément pratiques quand on allait être un bébé. Donc souvent ça demande aussi un remaniement de la manière de s'habiller. Donc il y a une certaine routine qui se met en place par rapport à l'allaitement lui-même, mais par rapport aussi à tout cet aspect-là qui relève vraiment de la gestion de lactation. Mais quand je les invite à me décrire leur quotidien d'allaitement, donc par exemple une journée d'allaitement type, en général, elles ont l'air assez amusées. Elles me disent que finalement, elles ne savent pas s'il y a une journée d'allaitement type. Donc même au bout de plusieurs mois, elles ont l'impression que ça reste quelque chose d'instable et fluctuant, et que c'est difficile de se reposer sur ses acquis et de se dire oh, « voilà, ça se passe comme ça normalement ». Donc ma recherche de terrain est encore en cours, et jusqu'à maintenant, je pense que j'ai suivi une petite vingtaine de familles. Donc après cette introduction qui m'a permis de poser un peu un cadre à ma présentation, puis de recontextualiser la question des thématiques, les temporalités de l'allaitement dans un questionnement plus large, je vais maintenant me recentrer sur un aspect plus spécifique de ma recherche dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, donc en accord avec la thématique routine du séminaire. Donc j'ai intitulé ma présentation « Du rythme du bébé au rythme des tétés en quête d'une routine d'allaitement ». Et j'aimerais montrer en fait comment un glissement se fait entre le rythme du bébé, donc qui est perçu et construit comme naturel par les parents et la sage-femme, et le rythme effectif des tétés, qui consiste en une sorte de compromis entre ce qui résulte de cette perception du rythme du bébé et les contraintes matérielles auxquelles sont soumis les parents. Donc plus largement, sur base de ma recherche de terrain, j'aimerais proposer une exploration du rapport au temps de l'allaitement et son inscription dans les trajectoires périnatales des mères. Donc, je suggère que ce rapport aux temporalités de l'allaitement est co-construit par les parents et la sage-femme pendant le suivi postpartum à domicile, ce qui influence le vécu de l'allaitement aussi sur le plus long terme. Donc je vais commencer par un détour sur l'institutionnalisation de la naissance et de l'allaitement et leur inscription dans les temporalités institutionnelles avant de revenir sur ma recherche de terrain. Ensuite, je vais discuter de la notion de rythme du bébé et la manière dont ce rythme fait l'objet d'une co-construction entre les parents et la sage-femme, en lien avec l'évolution de la représentation et attente relative à l'âge et au développement du bébé. Donc, je vais en particulier m'attarder sur l'injonction à faire ses nuits pour le bébé et sur la question de l'articulation du sommeil des parents et de celui du bébé. Et je vais proposer en conclusion une ouverture vers une conception d'allaitement comme créateur d'une temporalité qui lui est propre, ce qui entraîne une perception du temps alternative au temps linéaire pour les protagonistes impliqués. Et tout au long de ma présentation, je vais mobiliser des situations, des descriptions et des extraits d'entretiens issus de ma recherche de terrain. Donc l'institutionnalisation de la naissance implique une rationalisation de l'accouchement qui est soumis à des normes temporelles strictes. Le principe du travail dirigé, je ne sais pas si c'est une notion qui vous est familière. Donc c'est un principe qui continue à être appliqué dans la plupart des maternités, qui est évoqué pour la première fois en 1980 par Audrey Scholl, Meagher et Boylan dans l'ouvrage Active Management of Labor. Et ça implique notamment la mesure précise de l'avancement du travail selon les normes temporelles établies et reconnues internationalement, ainsi que le recours systématique à des interventions médicales et techniques en cas de non-concordance avec ces normes. Donc la notion de linéarité temporelle gouverne de cette manière le déroulement de l'accouchement. L'initiation à l'allaitement au milieu hospitalier va aussi s'inscrire dans ce raisonnement et répondre à une logique de contrôle temporel rigide. Donc à défaut d'être encouragées à interpréter par elles-mêmes le comportement de leur nouveau-né, les mères vont plutôt être incitées à suivre les règles et horaires hospitaliers, sans prise en compte de la particularité de leur situation personnelle et de la relation naissante avec le nouveau-né. Donc Fiona Dykes a mené une recherche dans un service postpartum d'une maternité anglaise, et elles ont conclu que l'hôpital n'est pas un lieu adapté pour l'initiation de l'allaitement, suggérant qu'hors de l'institution, cette initiation se déroulerait de manière plus satisfaisante, autant pour les mères et les bébés que pour les sages-femmes qui les accompagnent. Différentes auteurs, notamment Christine McCourt et Sue Down, ont mis en évidence une conception différente du rapport au temps découlant de la culture professionnelle des sages-femmes et de celle des obstétriciens. Et à travers une analyse basée sur des ouvrages consacrés à la périnatalité, Wendy Simons va plus loin en suggérant une spécificité du modèle de soins des sages-femmes indépendantes, ce qui permettrait une conception du temps plus expansive par rapport à la notion de temps linéaire qui domine l'institution hospitalière. Donc cette conception expansive du temps s'opposerait radicalement à la gestion hospitalière, technocratique et restrictive du temps. Donc hors de l'hôpital, l'initiation à l'allaitement accompagnée par une sage-femme indépendante semblerait détachée du contrôle imposé par l'horloge. Donc, dans le cadre de ma recherche de terrain, j'ai porté une attention particulière au rapport au temps pendant l'initiation à l'allaitement à domicile. Mes observations montrent qu'effectivement, les sages-femmes indépendantes, libérées des contraintes temporelles institutionnelles, vont plaider pour une évaluation qualitative de l'allaitement, perçue comme un processus relationnel entre la mère et le bébé. Donc, dans le postpartum immédiat, les sages-femmes encouragent les mères à suivre le rythme du bébé, à le mettre au sein dès qu'il en manifeste l'envie, notamment pour permettre à la lactation de s'installer. Donc elles insistent beaucoup sur la dimension affective de la tétée, en comparant par exemple le nombre de tétées quotidiennes du bébé avec le nombre de gestes effectués par les adultes pour, je cite l'une d'entre elles, « se faire du bien ou se réconforter, comme prendre un bain ou téléphoner à un ami ». Donc, dans cette optique-là, finalement, à chaque fois que le bébé va au sein, c'est pas forcément pour manger, mais c'est simplement qu'il en a besoin. On ne sait pas exactement pourquoi, mais à ce moment-là, il éprouve le besoin d'être contre sa mère, ce qui est pour lui aussi associé à la succion et à la tétée. Donc, pendant un suivi postpartum auquel j'ai justement eu l'opportunité de participer dès les premières heures après la naissance, j'ai pu observer les débuts de l'allaitement d'Emma, le deuxième enfant de Laetitia et Samuel, déjà parents de Mathilde, 2 ans et toujours allaité. Donc tous les prénoms que j'utilise sont fictifs, mais c'est plus pratique d'attribuer des prénoms à mes sujets d'étude pour que vous puissiez suivre. Donc Laetitia a accouché chez elle, entourée de sa sage-femme, de Samuel et de Mathilde, leur premier enfant. Donc comme convenu, elle m'a contactée quelques heures après la naissance pour me proposer de me joindre à la visite de leur sage-femme. Et quand je suis arrivée chez eux, Emma, le nouveau-né, devait avoir 12 heures. Donc quand leur sage-femme nous rejoint, elle rit en voyant le nouveau-né au sein. Donc je la cite, « Je ris parce que je me dis que ça ne va pas être très compliqué cet allaitement ». Elle s'explique, ces bébés qui sont tout le temps au sein les premiers jours, ça va juste bien. Les parents acquiescent et tous les trois évoquent ensuite en plaisantant les clichés qui circulent encore sur les bébés tout le temps au sein, qui vont devenir capricieux ou trop demandeurs. Laetitia, la maman, estime au contraire que pluguer au sein, c'est tellement facile, comparativement à ce que vivent les parents qui cherchent à limiter le nombre de tétés de leur nouveau-né. Donc la discussion se poursuit entre les parents et la sage-femme lors d'une autre visite. Et la sage-femme affirme qu'elle voit clairement une différence sur le comportement du bébé, s'il est allaité à la demande ou non. Elle distingue en fait 2 catégories de mères, celles qui n'attendent pas et qui remettent le bébé au sein, même s'il a mangé il y a 2 heures, et celles qui craignent que ce soit toujours comme ça et qui cherchent donc à réguler la fréquence des tétés. Donc d'après la sage-femme, les bébés qui ont un accès illimité au sein maternel seraient plus calmes. Elle fait remarquer à Laetitia, « Toi tu fais ça, mais tu ne te demandes pas comment ce sera dans 3 mois. C'est une question personnelle, il y en a qui pensent tout de suite à après, donc ça sert à rien parce que ça ne va pas fonctionner chez eux. » Samuel, le papa, intervient et observe qu'il était quand même sensible à ces trucs au début, mais elle ne va pas apprendre les frustrations. Donc, dans le cas de cette famille, Samuel s'est donc pour sa part finalement distancié de ce type de préoccupation, mais cette dernière remarque reflète bien une volonté culturellement ancrée qui émane des valeurs autonomistes dominantes dans notre société. Donc l'éducation des enfants commence dès la naissance et il ne faut surtout pas laisser s'installer un comportement perçu comme indésirable chez un nouveau-né. Donc il est attendu des nourrissons qu'ils intègrent très tôt une notion d'autonomie, notamment en dormant seul dans une pièce séparée. Et dans cette optique, on peut aussi noter une préoccupation autant du côté des mères que des professionnels de prévenir dès la naissance une dépendance affective au sein de la mère. Donc le bébé ne doit pas l'utiliser comme une tétine ou le demander par confort. Même si son rôle dans la création du lien mère-enfant est reconnu, l'allaitement doit quand même remplir avant tout une fonction nourricière. Donc par exemple, la pratique d'utiliser l'allaitement pour endormir le bébé est très controversée, parce que l'objectif est quand même de produire des enfants qui possèdent les qualités désirables d'autonomie et d'autorégulation. Donc le fait d'endormir son bébé en le mettant au sein est souvent perçue plutôt comme une espèce de solution de facilité, une solution prothétique qui ne va pas régler le problème de fond, parce que finalement l'objectif c'est qu'à un moment donné il arrive à s'endormir tout seul. Et souvent déjà très peu de temps après la naissance, on a quand même déjà en tête ces objectifs là. Donc l'instauration de l'allaitement selon un programme horaire imposé correspond de cette manière à un désir de produire des bébés civilisés, c'est-à-dire qu'ils se comportent d'une manière jugée adéquate, donc qu'ils ne soient pas trop demandeurs, qu'ils ne pleurent pas excessivement, qu'ils fassent rapidement leur nuit et qu'ils réclament le sein de leur mère que s'ils ont vraiment faim. Donc le temps joue un rôle d'étalon pour apprécier cette idée de civilité chez les nourrissons. C'est-à-dire que dès la naissance, des mesures disciplinaires vont être mises en place de manière à ce qu'ils soient capables d'espacer les tétés, avec quand même pour objectif final d'arriver à se calquer sur les horaires des adultes. Donc des repas trois fois par jour, et la nuit pour dormir, la journée pour être réveillé, et pas la nuit pour manger et la journée pour dormir, en gros. Donc déjà difficilement toléré les premiers jours, le chaos temporel lié à l'allaitement devient rapidement assez insupportable du point de vue des mères comme des professionnels. Donc c'est vite attendu du bébé qu'il rentre dans une certaine routine avec des horaires établis et peu de variations. Donc comme dans la situation que j'ai décrite précédemment, si c'est encouragé de laisser au nourrisson un libre accès au sein de sa mère pendant les premiers jours voire semaines de vie, il m'est apparu sur mon terrain que les recommandations des sages-femmes évoluent sensiblement et parfois assez rapidement en fonction de l'âge ou du poids du bébé. Donc dans l'extrait que j'ai présenté du point de vue de la sage-femme, la notion de projection est centrale pour comprendre pourquoi la maman ne semble pas perturbée par la sollicitation assez intensive et constante du nouveau-né. Donc la maman sait que cette période est temporaire et qu'elle ne reflète absolument pas le déroulement de son allaitement à plus long terme. Donc la proposition de suivre le rythme du bébé semble appropriée pour le postpartum immédiat, mais pas nécessairement lorsque le bébé est plus âgé et que son poids est plus élevé. Donc l'enjeu étant que le rythme des tétés permette que le bébé passe ses nuits assez rapidement, selon l'expression consacrée. Donc l'une des sages-femmes qui collabore avec moi a l'habitude par rapport à ça, de demander aux mères pendant le suivi postpartum combien de fois entre minuit et 6 heures du matin le bébé a tété, partant du principe qu'avant minuit on ne dort pas encore vraiment et qu'à partir de 6 heures c'est déjà le matin. Donc c'est une manière pour cette sage-femme de relativiser le nombre de tétés nocturnes. Donc pendant la phase de mise en route de l'allaitement, c'est aussi essentiel que les tétés soient suffisamment fréquentes pour permettre à la lactation de bien s'installer, ce qui explique aussi le souci de la sage-femme de minimiser ses tétés nocturnes. Mais lorsqu'elle retrouve les mères 1 ou 2 mois après la naissance pour un cours destiné aux nouvelles mères et à leur bébé, le discours a déjà légèrement évolué et elle fait remarquer à l'une d'entre elles, dont le bébé très potelé est âgé de 2 mois, qu'il a, je la cite, « assez de réserve pour tenir toute une nuit ». Donc à ce moment-là, les enjeux sont plus les mêmes. C'est impressionnant comme discours. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, la lactation est bien installée et la suppression d'une tétée ne va pas mettre en péril la lactation de la mère. Donc c'est aussi pour ça que la sage-femme se permet d'évoluer dans ses conseils. Donc elle encourage les mères à sonder leurs ressentis et le message envoyé au bébé par rapport aux tétées nocturnes. C'est toujours une question de degré de fatigue, il sent que tu es encore d'accord, il faut juste pas se mentir, tu as le droit d'aimer ça, mais le jour où tu te lèves en serrant les dents, tu deviens toxique pour l'enfant. Donc à ce moment-là, la mère qui a reçu ce conseil n'a pas envie d'inciter son bébé à renoncer à sa tétée pendant la nuit, qu'elle ressent absolument pas comme une contrainte. Donc le bébé dort dans une nacelle accolée au lit parental. Pour l'allaiter, il n'est pas nécessaire de se lever ni d'allumer la lumière et son congé maternité se prolonge encore plusieurs mois. Mais lorsque je la revois 3 mois plus tard, elle m'explique que depuis une semaine, elle commence à avoir envie de sauter une tétée pour dormir vraiment 7-8 heures vraiment bien. Et elle me rappelle que sa sage-femme estimait déjà, lorsque son bébé était âgé de 2 mois, qu'elle aurait assez de réserves pour tenir toute une nuit. Donc là, son congé maternité s'achève dans un mois. Elle s'inquiète aussi clairement de son aptitude à assumer le rythme soutenu de son travail si ses nuits sont encore entrecoupées par les tétés. Donc on voit que le rythme du bébé fait l'objet d'une co-construction entre les mères et les professionnels. Donc que la mère décide de suivre le rythme du bébé ou de chercher à le moduler pour répondre à d'autres besoins, on agit autour du bébé, ce qui fait que ce rythme qu'on lui attribue comme naturel ou intrinsèque à son développement individuel, et on fait toujours une construction, une projection des parents en lien avec le discours des professionnels qui les accompagnent. Donc suivre le rythme des bébés correspond, on fait une interprétation des signaux émis par le bébé. Et quelle que soit l'approche choisie, tout passe par le filtre des interprétations et attentes des familles, des parents comme des professionnels. Donc en fonction des circonstances matérielles dans lesquelles l'allaitement s'inscrit, où dort le bébé, combien de temps dure le congé maternité, etc., les parents vont chercher plus ou moins activement à agir autour des demandes et des signaux émis par le bébé. Donc, comme le montrait la sage-femme que j'ai citée tout à l'heure, la notion de projection est centrale au vécu des nouveaux parents qui expriment beaucoup d'inquiétudes concernant la fréquence très rapprochée des tétés, les premiers jours de vie du bébé et le caractère représentatif de ce rythme initial sur le déroulement à plus long terme de l'allaitement. C'est-à-dire qu'ils veulent bien accepter que ce soit comme ça, mais ils sont quand même très vite inquiets parce qu'ils se projettent sur la durée et qu'ils se disent mais si le bébé continue à être au sein comme ça constamment, comment on va faire, comment ça va se passer dans un mois, dans deux mois, comment on va tenir sur le long terme. Mais je me suis aussi rendu compte que plus que la fréquence des demandes ou le temps effectif consacré à chaque tétée, finalement c'est surtout le caractère imprédictible du processus qui a l'air d'être le plus perturbant pour les parents. Donc ne pas savoir quand le bébé va vouloir manger à nouveau et pas pouvoir s'organiser en conséquence. Donc c'est bien la notion de rythme qui est vraiment centrale. Peu importe l'intensité de ce rythme, l'essentiel, ça réside dans la prédictibilité du rythme du bébé. Donc Marie, je vais vous donner un autre exemple, une autre situation. Marie, la mère de Gaspard, 2 mois, me parle de cette manière de son choix d'allaiter à la demande. Le rythme s'est bien installé. Très rapidement, il s'est mis à téter toutes les 2 heures. C'est un choix, faire l'allaitement à la demande, et il faut s'attendre à être appelé souvent. Donc elle poursuit. Finalement, c'est pas une grosse contrainte ou ça le devient de moins en moins. Au début, je me disais que toutes les 2 heures, ça ferait trop, que j'en aurais marre. Pour Marie, cette adaptation au rythme de l'allaitement est assez compliquée intellectuellement. Tu as envie de répondre aux besoins du bébé et il y a la pression environnementale, la reprise du travail, l'envie d'une nuit complète. Donc elle et son partenaire avaient aussi planifié de dormir avec leur bébé déjà avant la naissance. Ils ont aussi investi dans une nacelle accolée au lit parental. Mais dès le départ, ils avaient quand même fixé un terme à cet arrangement pour la nuit. Et le projet, qui reste quand même assez flexible d'après ce qu'elle m'a expliqué, c'est de garder le bébé près d'eux encore 2 mois en partant du principe qu'après, il est censé, je la cite, avoir plus de compétences. On sait qu'au 4e mois, le bébé peut comprendre quand on diffère ses besoins parce que la structure cérébrale est là. Donc du point de vue de la maman, à ce moment-là, son bébé sera en mesure d'attendre un peu plus longtemps sa tétée nocturne que lorsqu'il se trouvait à portée des bras maternels, parce qu'il aura pu évoluer dans son développement et qu'il sera arrivé à une phase de son développement où il pourra comprendre que son besoin est différé. Donc là encore, le caractère prédictible du rythme du bébé, comme aussi l'idée d'avoir un plan préétabli pour déterminer la fin du cododo, semble assez rassurant pour cette maman. Mais plus largement, il m'a paru que la plupart des mères qui estiment allaiter à la demande ont quand même l'habitude de recenser les horaires et durées des tétés de leur bébé, que ce soit de manière manuscrite sur un carnet ou sur une application pour smartphone. Donc une mère, par exemple, me parle de cette manière de son utilisation du Baby Tracker, une application qui intègre un chronométrage des tétés, sein par sein aussi, donc pour vraiment être précis. ainsi qu'un suivi du sommeil et des couches. Et c'est une application qu'elle remplit tous les jours depuis la naissance, ce qui, d'après elle, permet d'avoir un peu une idée de comment se passe la journée. Donc elle précise, des fois on se dit « est-ce qu'elle aurait faim ?» et on regarde. Et si ça fait 3h30, on se dit « ah, peut-être ». Donc son mari observe qu'il trouve amusant de comparer le rythme du bébé d'un jour à l'autre, mais d'après lui, concrètement, ça débouche sur rien. Aucune mesure effective est prise par rapport à ce recensement minutieux des horaires de tétée du bébé. Donc on dirait en fait que le simple fait de tenir le compte des horaires des tétées permet aux parents de garder une illusion de contrôle sur le chaos temporel qui s'est abattu sur eux depuis la naissance de leur enfant. Donc de manière plus générale, en passant du temps auprès des nouvelles mères, j'ai souvent été assez frappée par cette contradiction. Malgré une volonté d'allaiter à la demande, ça reste quand même souvent l'horloge qui en dernier lieu vient valider la manifestation du bébé et l'interprétation de la mère. Donc elles diront par exemple « tu as faim ? Ah mais oui, c'est l'heure ». Donc à côté de ça, j'ai aussi pu observer qu'à mesure que la relation d'allaitement se développe et s'affine entre la mère et le bébé, un dialogue s'établit aussi de sorte qu'ils semblent parvenir à tous les deux à un compromis concernant le rythme des tétés, c'est-à-dire l'établissement d'un allaitement qui serait à la demande non plus seulement du bébé, mais des deux parties impliquées. Donc pour vous donner un exemple un peu plus concret, Sophie, la mère d'Anaïs, 4 mois, établit clairement une différence entre les débuts de l'allaitement, soit selon ses termes à la demande, et le rythme actuel des tétés. Donc elle m'explique que sa fille ne demande plus vraiment, mais que toutes les... Mais, donc je la cite, que toutes les deux se retrouvent au bon moment. Un dialogue s'est mis en place et maintenant on est adapté l'une à l'autre. Donc elle explicite, des fois je lui dis tu as faim, mais moi il faut que je termine ça, tu auras dans 15 minutes. Je lui demande beaucoup d'adaptation et elle n'a pas l'air d'en souffrir. Donc le rythme des tétés a fait l'objet d'une adaptation réciproque. Les attentes de la maman ont évolué et elle ne tolérerait plus d'être sans cesse interrompue dans ses activités, comme c'était le cas dans les premières semaines de vie de sa fille, qui de son côté semble aussi s'être bien ajustée à cette situation. Donc une évolution s'opère entre une volonté initiale de respecter le rythme du bébé sans interférer et la mise en place d'une communication autour de l'allaitement. Donc le bébé est désormais perçu comme un interlocuteur à part entière avec qui la négociation devient possible. Donc, j'ai déjà évoqué plusieurs fois la question du cododo. Donc, dans le cadre de ma recherche, c'est une pratique que j'ai retrouvée très fréquemment, que ce soit planifié au départ ou que ça se mette en place au moment de la naissance du bébé parce que les parents se rendent compte que finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple et que l'objectif final, c'est quand même que tout le monde se repose et dorme le plus possible et le mieux possible. Et souvent, c'est la solution qu'ils trouvent pour faciliter l'allaitement pendant la nuit et faire en sorte que tout le monde soit le plus reposé possible le matin. Donc cette initiative est aussi encouragée par leur sage-femme. C'est une pratique qu'elle suggère fréquemment dans le suivi postpartum. Mais ça reste quand même très peu répandu et ça les expose souvent à l'incompréhension de leur entourage. Donc d'une part, il y a l'idée que le sommeil du bébé, donc la position du bébé, la durée du sommeil, la fréquence des siestes, tout ça, ça fait l'objet de prescriptions précises. Et c'est aussi d'abord appréhendé en termes de prévention des risques. Donc je pense par exemple au risque de mort subite du nouveau-né. Il y a des prescriptions assez précises sur les positions dans lesquelles coucher le bébé pour minimiser les risques. Et quand on parle de cododo, souvent on voit des risques du style le bébé se fait écraser par ses parents qui se tournent pendant la nuit, ou la literie qui ne serait pas adaptée au fait qu'il y a un bébé qui dort dans le lit avec les parents, risque d'étouffement. Donc c'est des idées qui sont quand même assez présentes. Donc je ne sais pas, est-ce qu'en France, c'est quelque chose qui est... Pas du tout, mais enfin, on a un cadre bien moins prescriptif. Ouais. En Suisse, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais au fur et à mesure où on t'entend sur ta description fine des premiers temps du parentage et du maternage plus particulièrement, c'est assez encadré. On n'a même pas le principe de cododo. Moi, ça t'a été. Je sais pas, vous en avez déjà entendu parler de la part de professionnels de santé ? Ouais. Ah ouais ? C'est une pratique encouragée, quoi, le premier mois. D'accord. Et pas par le personnel médical. Les sages-femmes. Des sages-femmes de certaines maternités. Mm. Et des psychologues. D'accord. C'est un discours psychologique plus que médical. Enfin, plus que obstétrique, pardon. Mais dans le cadre de ma recherche, donc le fait de dormir avec son bébé, c'est pas lié à l'immunisation à l'allaitement. Souvent, c'est un projet pour le plus long terme. Donc les parents choisissent vraiment de dormir avec leur bébé pour une plus longue période, plusieurs mois, jusqu'à une année de vie de l'enfant. Donc c'est... On sort de cette idée. Enfin, parfois, c'est un arrangement qui se met en place parce qu'ils se rendent compte que c'est plus simple. D'autres fois, c'est vraiment un projet qu'ils ont avant la naissance. Et à ce moment-là, c'est vraiment sur le plus long terme quand même. Donc le cododo est quand même souvent d'abord perçu comme un facteur de risque. Et d'autre part, il y a aussi le fait que partager le lit conjugal avec son bébé, ça entre en contradiction profonde avec les valeurs autonomistes et les attentes culturelles par rapport à l'éducation précoce du bébé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si on estime que les comportements indésirables devraient être éliminés dès les premiers jours, accepter son bébé dans son lit, ça reviendrait en quelque sorte à signer pour vraiment une longue période de cohabitation nocturne, ce qui est évidemment pas forcément le but. Donc, l'anthropologue Cecilia Tomori s'est particulièrement intéressée à l'allaitement nocturne aux États-Unis et elle relève que dans les sociétés industrielles modernes, le sommeil est pensé comme un temps de retrait de la vie sociale. Et le sommeil solitaire et ininterrompu est érigé en type de sommeil idéal, donc qui serait physiologiquement le plus bénéfique. Et pour Tomori, la valorisation de cette forme de sommeil coïncide avec les attentes culturelles d'autorégulation des corps amenées par les régimes temporels capitalistes. Donc j'ouvre ici une brève parenthèse. Je sais que je suis entourée d'historiennes qui doivent avoir un avis plus pointu que moi par rapport à ces questions de temporalité dans une perspective historique. Donc quand moi je parle de régime temporel capitaliste, je reprends ici vraiment les termes de l'auteur que j'ai cité, donc Tomori. D'autres auteurs, notamment des sociologues du travail, je pense en particulier à Jens Thomas, peut-être que vous le connaissez, si la prononciation est mauvaise, reprenez-moi. Donc ces auteurs-là prônent plutôt un changement de paradigme par rapport à la façon de conceptualiser le temps et ils identifient une évolution majeure des temporalités sociales ces 30 dernières années. Donc cette évolution se manifesterait par une séparation moins nette entre vie privée et vie au travail amenée par les nouvelles technologies de la communication et de l'information, mais aussi par une évolution des styles de vie et des besoins qui y sont liés. Donc en pratique, cette évolution se traduirait par des pratiques de flexibilité vis-à-vis du temps et du lieu de travail, notamment grâce au télétravail. Mais ces nouveaux arrangements flexibles restent quand même, néanmoins, en tout cas à mon avis, réservés à certains champs professionnels, déjà dans le cadre duquel les tâches à accomplir permettent la délocalisation du lieu de travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il me semble aussi que c'est quand même souvent associé à un niveau de formation élevé. Donc, dans le cadre de ma recherche, les parents que j'ai rencontrés sur mon terrain n'avaient pas accès à ce type d'arrangement, en tout cas en grande majorité. Donc c'est pourquoi l'argumentaire de Tomori me semble rester tout à fait pertinent par rapport à ma situation. Donc dans son étude sur les arrangements effectués par de jeunes parents autour des tétées nocturnes et de leurs habitudes spatio-temporelles de sommeil, elle montre que le sommeil partagé entre parents et enfants est envisagé par celles et ceux qui le pratiquent comme un temps de construction des liens affectifs et familiaux, ce qui fait que le sommeil devient un temps familial. Donc sur mon terrain, j'ai pu discuter à ce sujet avec Sybille, qui lors de notre dernière rencontre allaitait à la demande son bébé de 3 mois et s'apprêtait à reprendre le travail quelques semaines plus tard. Donc elle et son mari sont vraiment adeptes du cododo. Le sol de la chambre parentale que j'ai pu voir, puisque j'étais allée lui rendre visite chez elle, Donc leur chambre est vraiment littéralement tapissée de matelas et le bébé dort sur un matelas collé à celui des parents. Donc elle a déjà procédé de la même manière avec ses deux aînés et elle est fermement convaincue que cet arrangement a vraiment contribué à faciliter l'allaitement et les premiers mois de vie avec ses enfants. Donc elle développe en parlant de l'allaitement de ses aînés, comme on faisait du cododo, de toute façon je l'allaitais plusieurs fois la nuit et ça ne me posait aucun souci. On me disait oui mais tu vas être fatiguée, je disais mais non, c'est intégré un mouvement, je ne me réveille pas, je ne me lève pas et je l'allaite quoi. Donc pour elle, le cododo va complètement de pair avec l'allaitement, de sorte qu'elle me dit qu'elle a de la peine à concevoir qu'on puisse le faire avec le bébé dans une chambre séparée. Donc elle poursuit en faisant allusion à la reprise prochaine du travail et l'articulation entre ses nouveaux horaires et la continuation de son allaitement. Moi, je suis en train de tout mettre en place pour que ce soit possible. Elle voit vraiment dans le cododo un moyen de rattraper le temps passé pendant la journée loin de son bébé et aussi de contribuer au maintien de sa lactation malgré la réduction des tétés. Donc, de ce point de vue, le cododo, ça permettrait une gestion de l'allaitement à la fois rationnelle, donc le maintien de la lactation, mais aussi émotionnelle, donc le maintien des liens affectifs. Donc, pour cette maman, cette organisation nocturne joue un rôle pilier dans un ensemble de mesures stratégiques qu'elle a mis en place pour préserver son allaitement malgré la reprise du travail. Et à ce sujet, Tomori propose une analyse de la pratique du sommeil partagé comme une reproduction de l'idéologie capitaliste. C'est-à-dire que l'allaitement et les pratiques de sommeil prennent place dans une société liée à un système capitaliste global qui régit les conditions et les modalités d'emploi. Et avec le cododo, les familles contribueraient au maintien des pratiques capitalistes qui tentent de maximiser le potentiel de travail des employés et n'offrent parallèlement que des arrangements assez minimums pour articuler de manière satisfaisante vie familiale et travail. Donc en pratique, les parents ajustent leur propre corps pour se coordonner avec celui de leur bébé. Ils s'habituent aux petits bruits émis par le bébé. Donc un nouveau-né fait quand même beaucoup de bruit. Donc quand on n'a pas l'habitude au début, ça peut être assez déstabilisant. Ils finissent par s'habituer à ces respirations fortes, les divers petits bruits que les bébés émettent un peu en permanence. Et les parents mettent aussi en place des précautions particulières pour répondre aux préoccupations concernant les risques liés à cette pratique. Donc ils vont avoir une literie adaptée au fait de dormir avec un bébé. Ils vont aussi changer leur position pour dormir. Ils vont modifier la manière dont ils se répartissent dans l'espace. Et ils vont vraiment complètement bouleverser leurs habitudes de sommeil pour qu'ils puissent accueillir leur bébé dans leur lit. Mais en même temps, ils vont aussi exercer une autorité sur le corps de leur bébé pour atteindre les schémas de sommeil souhaitables. Donc finalement, l'objectif, c'est d'optimiser le temps de récupération nocturne pour préserver leur productivité pour la journée de travail. Donc ces négociations et arrangements nocturnes mettent aussi en lumière la manière dont l'organisation du travail capitaliste formate les expériences de sommeil, mais atteste aussi de l'émergence de nouvelles moralité incorporée qui vise à concilier le maintien de l'allaitement et la reprise du travail. Donc ces pratiques de sommeil défient et reproduisent les régimes capitalistes de temporalité et la façon dont ils modèlent les relations de parenté. Donc pour répondre à la fois à l'idéal de santé et de maternage incarné par l'allaitement et de productivité apportée par un temps de récupération optimal pendant la nuit, les parents vont réinventer leur sommeil comme un temps familial et partagé. Juste peut-être si on veut garder un peu de temps pour la discussion. On avait prévu une heure, à peu près. Et il est 25, on a commencé un peu tard. Ok. Ah, ok. Je ne sais pas combien de choses te restent. J'arrivais à la conclusion. Mais c'est merveilleux. C'est parfait. D'accord. Une gestion du temps parfaite. Donc, avant l'arrivée du premier enfant, pour la plupart des individus, la journée est consacrée au travail, tandis que le repos et le sommeil vont plutôt prendre place la nuit et les week-ends. Ce qui fait que la conception de la temporalité est quand même largement déterminée par les horaires de travail. Et à ce sujet, j'ai trouvé très intéressant l'article d'une sociologue américaine, Robbie Pfeiffer-Kahn. Donc c'était l'une des suggestions que j'avais données. Donc, elle a une réflexion sur la notion de temps linéaire et la manière dont ça s'articule avec la pratique de l'allaitement. Donc, d'après elle, la notion de temps linéaire qui s'inscrit dans une logique industrielle imposée par l'extérieur s'oppose à celle de temps cyclique dictée par des rythmes corporels et qui répond à une logique interne. Et elle introduit la notion de temps mayalogique pour décrire cette logique de temps cyclique. Donc, c'est un néologisme qu'elle a créé à partir du mot grec maya, la mère. Donc, ce temps mayalogique désignerait la période de la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, comprise en fait comme un temps de mutualité et de réciprocité entre les mères et leurs bébés. Donc, dépourvus de notion de linéarité, les nourrissons s'inscriraient dans ce rythme cyclique et lent de ce temps mayalogique. Donc, dans cette perspective, l'empressement à voir un rythme s'établir et retourner à une temporalité normale, c'est-à-dire linéaire, au plus vite, va créer une tension par rapport au temps mayalogique. Donc, comme l'écrit Fiona Dykes, que j'avais cité au début de ma présentation, qui a fait une recherche dans une maternité anglaise, qui s'est intéressée à l'initiation à l'allaitement en milieu hospitalier, si le temps est perçu comme linéaire et lié à l'efficacité et à la productivité dans un sens industriel, les femmes envisageront l'allaitement comme chronophage et potentiellement comme une perte de temps. Donc la compréhension dominante de l'allaitement le confine en fait à un statut d'étape transitoire plutôt que de l'appréhender en lui-même comme ayant sa propre ontologie. Une autre auteure, Alison Bartlett, suggère que cette vision restreinte empêche une compréhension de l'allaitement pour lui-même et a pour effet d'éliminer son potentiel de reconceptualisation du temps en rupture catégorique avec la conception néolibérale dominante de la temporalité. Donc l'allaitement créerait en fait une temporalité qui lui est propre et qui ne répond pas à l'organisation temporelle des sociétés industrielles modernes. Donc, pour reprendre la situation que j'ai décrite tout à l'heure, donc plus ou moins au début de ma présentation, Laetitia et Samuel, donc, qui venaient d'accoucher de leur deuxième enfant, ont décidé que Laetitia suspendrait son activité professionnelle déjà à la naissance de leur premier enfant. Et à l'arrivée du deuxième bébé, le papa s'est organisé de manière à rester 5 semaines auprès de sa famille avant la reprise de son travail. Donc malgré un emploi à temps complet, les horaires de travail très irréguliers de Samuel leur permet aussi une organisation souple de leur emploi du temps. Donc au moment des visites de leur sage-femme, s'ils acceptent aussi facilement le chaos temporel induit par l'allaitement à la demande de leur nouveau-né sans aucune projection dans le futur, c'est aussi parce que ça s'inscrit dans une certaine continuité par rapport à leur organisation habituelle. Donc les modalités du travail de Samuel les rendent étrangers à l'idée d'une routine, tandis que dans leur situation, il n'y a pas de notion de congé maternité, vécue par d'autres mères comme une sorte de compte à rebours qui va s'enclencher vraiment dès la naissance du bébé. Mais au-delà des conjonctures matérielles et économiques propres à chaque famille, finalement, l'expérience de l'allaitement à la demande et sa poursuite au-delà de quelques semaines ou mois postpartum, ça dépend bien de l'aptitude des parents à repenser leur organisation temporelle. Donc pour que l'allaitement évolue d'une parenthèse restreinte et extraordinaire à une pratique s'inscrivant plus durablement dans la vie ordinaire, dans la routine des mères, c'est aussi nécessaire de l'envisager de manière à ce qu'il semble plus chronophage. Donc par exemple, si l'allaitement est d'abord perçu comme un moment de partage affectif entre la mère et l'enfant, ça n'a plus vraiment de sens de compter combien de temps y est consacré dans une journée ou de s'inquiéter que les tétés occupent trop de temps dans une journée. Donc c'est de cette manière que l'allaitement est présenté dans le discours des sages-femmes dont j'observe l'intervention dans le postpartum immédiat. Et elle travaille ainsi avec les parents à une sorte de co-construction de sens autour des tétés. Donc j'ai pu observer que l'initiation à l'allaitement à domicile ou en maison de naissance se dérobe au protocole et aux horaires hospitaliers, mais pas à la souveraineté d'une conception linéaire du temps. Donc cette conception et les contraintes qui en découlent influencent profondément le vécu de l'allaitement et formatent les attentes concernant le nouveau-né, qui est aussi supposé coopérer à l'articulation de son allaitement avec les contraintes des régimes temporels auxquels ses parents sont soumis. Donc quelle que soit la réponse apportée aux défis temporels incarnés par l'allaitement, il questionne et confronte les parents aux limites matérielles et conceptuelles de notre compréhension quand même relativement figée du temps. Donc je vais conclure avec une citation de Bartlett qui exprime, je trouve, vraiment bien ce bouleversement. L'allaitement semble inviter à une reconceptualisation cataclysmique de la manière dont le temps passe, la manière dont on utilise le temps, dont on donne du temps ou même dont on y renonce, comment le temps produit et devient un produit et ce qu'il se passe quand on interrompt ou qu'on poursuit la régulation du temps. Merci beaucoup. Merci.